Alors, comment tu te sens à Paris ? À vrai dire, je n'aime pas trop vivre dans cette ville. Bah, c'est une ville magnifique, passionnante. Oui, peut-être, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, ce que je n'aime pas, c'est le temps de transport. Je passe plus de 2 heures par jour pour aller au travail. Oui, bon, d'accord, c'est fatigant, mais le week-end, tu peux sortir, aller au cinéma. Le cinéma ne m'intéresse pas vraiment. Et ça m'embête de prendre encore le métro le week-end.